Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons notre chapitre 18. Et nous allons commencer par la prière. Notre bon Père du ciel, merci pour cette journée qui va servir à te glorifier, même si on ne s'en rend pas compte de tout ce qui se passe dans le monde. Ce monde est là pour toi. Tout a été créé pour toi. Tout a été créé pour ta propre gloire. Donc, je crois que ça le fait. Et les hommes, sans s'en rendre compte, te glorifient. Bien souvent, tu les utilises pour ta gloire. Donc, Seigneur, nous sommes conscients, nous, à cause de ta grâce, à cause de ton Esprit Saint, que tout concourt à ta gloire. Tout concourt à notre bien, mais aussi tout concourt à ta gloire. Puisses-tu, Seigneur, nous guider pendant les moments que nous allons méditer sur ta parole, qui est une lampe à nos pieds, afin qu'on puisse marcher sur le chemin qui mène à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu hier comment entrer dans le royaume des cieux. Le titre était « Le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme les enfants ». Et rappelons-nous que ce texte n'a pas été écrit pour nous encourager à être humbles dans le royaume des cieux, mais que nous devons être humbles comme des enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut abandonner cet orgueil et d'indépendance, cet orgueil de vouloir faire ce qu'on veut, de vouloir même dire à Dieu ce qu'on veut. On voudra dire à Dieu comment diriger les choses. Dit, non, non, vous devez être humble et accepter moi comme roi et mon royaume. Et vous soumettre à ce royaume-là que je veux établir pour la gloire de Dieu. Donc, nous avons vu hier cette vérité-là. On va voir une autre vérité pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Chapitre 18, verset 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il voudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux et ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire le Seigneur Jésus ici? Si on part au verset 6, il dit « Quiconque scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on le suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer. » Ça serait mieux pour lui. La conséquence va être moins forte pour lui d'être jeté dans le feu, dans la mer avec une meule, de mourir. C'est mieux mort que de scandaliser un de ses petits qui croient en moi. Wow. C'est très fort. C'est très fort. C'est mieux d'être mort que de faire ça. Parce que la conséquence de scandaliser un de ses petits qui croient en moi va être plus forte que la mort physique. Qu'est-ce qui pourrait être une conséquence plus forte que la mort physique? Ce serait mieux mourir physiquement que de scandaliser un de ses enfants qui croit en moi. Ce serait mieux. Oups. Donc, la seule chose qui serait pire que la mort physique, c'est la mort spirituelle. Ce serait mieux de mourir physiquement que de scandaliser un de mes enfants, parce que ça va être très fort comme conséquence si tu scandalises un de ceux qui croient en moi. Il dit, il faut qu'il arrive au verset 7. Malheur au monde à cause des scandales. Il y en a qui vont causer. Qu'est-ce qui cause les scandales? C'est le monde. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il y ait... Oui, il est nécessaire qu'il y ait un scandale. Parce que le scandale va révéler le cœur du scandaleur, si je me permettais d'inventer ce mot-là, et du scandalisé. C'est pour ça qu'il est nécessaire. Il va révéler le cœur de celui qui scandalise et de celui qui se fait scandaliser. Malheur à l'homme qui cause le scandale. Puis il dit au verset 8 et 9, malheur à celui qui se laisse scandaliser. Il dit, toi, si ta main est pour toi une pierre d'achoppement, si ton pied est une pierre d'achoppement, au verset 9, si ton œil est une pierre d'achoppement, arrache-la, coupe-la, jette-la loin de toi, sinon, la conséquence est terrible, c'est le feu éternel et la géhenne. C'est le feu éternel et la géhenne. Donc, les conséquences sont énormes. Si je scandalise quelqu'un qui croit en, un petit enfant qui croit en moi, je mérite la mort spirituelle, une mort, c'est pire que la mort physique. Donc, qu'est-ce qui est pire que la mort physique? La seule compréhension que j'ai, c'est la mort spirituelle. Donc, il dit, puis si toi, tu te laisses scandaliser, c'est qui se laisse scandaliser ici? Ben, c'est le verset 6, j'ai pas le choix. C'est celui qui scandalise un de ses petits qui croit en moi. Donc, le texte semble nous dire, à ce que je comprends mal, mais je crois que non. Si je veux le garder dans son contexte, je voulais dire que, il y a des petits qui croient en moi, les petits qui croient en moi du verset 6 peuvent être scandalisés. Ce sont ceux du verset 8 et 9. Peuvent être scandalisés. Et s'ils ne coupent pas leurs mains et leurs pieds et qu'ils se laissent scandaliser, ils vont aller dans le feu de la géhenne et dans le feu éternel. Wow! Est-ce que je suis en train de dire maintenant que le salut se perd? Non, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Je sais que la majorité d'entre vous qui écoutez ne croyez pas en ça non plus. Donc, comment est-ce que je peux interpréter le texte sans vouloir trop changer les choses? Là, mais ceux qui veulent le prendre comme... il y en a qui vont le prendre de cette façon-là. Donc, si je suis un de ceux qui scandalise un croyant par ma vie de péché, mais il va m'arriver des malheurs. C'est malheur à moi. Il va m'arriver des conséquences sur la terre. Il va m'arriver des choses négatives sur la terre, et peut-être, il y en a qui vont aller jusqu'à dire, ben, je vais perdre des récompenses dans le ciel, mais que je meurs. Mais je crois qu'il y a peut-être une autre façon de le comprendre. C'est que le verset 6 ici, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit en moi. » Si on l'interprète comme des disciples de Jésus qui sont là présentement, qui croient en lui, mais qui n'ont pas encore cette foi ou cette croyance qui amène la personne à être transformée, à être née de nouveau. Je pense que la meilleure façon, c'est de dire, ces petits qui croient en moi, qui veulent, qui me suivent présentement, qui pensent que je suis le Messie, puis qui veulent aller, venir avec moi, si je scandalise ces enfants-là, ces petits-là, et que finalement ils décident de ne pas me suivre, comme il y a des disciples de Jésus qui ont suivi pour un temps et qui ont abandonné par après, là, il me semble que le texte prend toute sa valeur, prend tout son sens et je n'ai pas besoin de trop tricoter. Donc, si je dis, mais si quelqu'un scandalise un de ses petits-enfants, qui lui me suit, qui lui veut venir après moi maintenant, pendant que je suis là sur la terre, et que vous l'avez scandalisé, que vous l'avez poussé à m'abandonner pour toutes sortes de raisons, vous voulez essayer de les convaincre, vous voulez réussir à les convaincre que je ne suis pas le roi et que le royaume que je présente, ce n'est pas le vrai royaume. Mais je suis destiné à la géhenne. Je suis un scandaleur. Je suis celui qui scandalise, celui qui fait tomber l'autre. Et le verset 8 et le verset 9, il dit, si toi qui a commencé à me suivre, qui croit que je peux être le Messie, qui croit que je peux être le roi envoyé par Dieu, si tu te laisses séduire, si tu te laisses scandaliser, si tu te laisses détourner, t'es destiné à la géhenne au feu de l'enfer. Donc, celui qui scandalise et celui qui se laisse scandaliser, tous les deux sont condamnés. Et c'est ce que je pense que Jésus va dire ailleurs, ou qu'il a dit d'une autre façon ailleurs, c'est des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Il y a des milliers de gens, je crois personnellement, qui ont suivi Jésus, qui ont cru jusqu'à un certain point qu'il était l'envoyé de Dieu, qui ont cru jusqu'à un certain point qu'il pouvait être le Messie. Mais en s'en allant, pour différentes raisons, à cause des persécutions, à cause des tribulations, à cause des insatisfactions, à cause que Jésus va être persécuté, qu'il va mourir, qu'ils vont abandonner, ils vont laisser tomber, parce qu'ils ne comprennent pas. Finalement, ils disent, on s'est trompé, notre compréhension, c'était pas lui le Messie, c'était pas lui. Et finalement, ils vont être dans la foule qui vont crier « Crucifie-le, crucifie-le ». Donc, pour moi, ça me semble être plus facile à comprendre de même que c'est d'appliquer ça à des chrétiens pendant leur vie chrétienne. Parce qu'on est encore en train de vouloir parler pour entrer dans le royaume des cieux. Donc, il dit « Si tu scandalises ou tu te laisses scandaliser, malheur à toi, tu es destiné au feu de la géhenne. » Je ne crois pas que le texte s'applique au croyant qui, par sa vie, qui n'est pas parfaite, scandalise son enfant ou sa femme ou ses frères. Parce qu'aucun de ceux-là, c'est malheur à eux. Aucun de ceux-là, c'est la géhenne comme destinée. Ça ne peut pas être ça. Donc, j'espère que j'ai pas été trop compliqué. J'espère que j'ai pas été trop compliqué. Donc, Jésus dit, si vous scandalisez un de ces petits qui me suit, un de ces gens-là qui viennent, qui sont avec moi, qui me suivent présentement, qui croient que je peux être le Messie, l'envoyé de Dieu, c'est malheur à vous. Si vous êtes de ceux qui vous laissez scandaliser, parce que vous voulez quoi? Vous voulez prendre de quoi? Vous voulez aller à quelque part? Vous voulez regarder quelque chose? Vous vous laissez scandaliser? Vous voulez autre chose de ce que moi je veux vous présenter? Vous êtes destiné au feu éternel et à la géhenne. Il me semble que cela, pour moi, ça fait plus de sens que l'autre. Ça rejoint un peu les enseignements des paraboles, un peu comme la parabole du semeur, des gens qui reçoivent la parole et que finalement le diable vient l'enlever, des gens qui croient, mais finalement les persécutions les empêchent de grandir, D'autres, c'est ils croient, mais les richesses de ce monde les amènent à ne pas porter de fruits. Voyez-vous, ça ressemble à ça. C'est la même vérité, je crois, ici. C'est la même vérité ici. Donc, je vous encourage à le voir de cette façon-là. Notre Père du ciel, béni sois-tu, béni sois-tu, que tu nous as donné la grâce de ne pas scandaliser, dans le sens d'éloigner les gens de toi, mais nous sommes de ceux qui poussons les gens vers toi. Nous sommes de ceux qui disons que tu es le roi, que tu es celui qui a amené le royaume. Et nous te rendons grâce qu'on ne s'est pas laissé scandaliser ou laissé détourner de la vérité qui est en toi. Tout vient de toi, tout vient de toi. Nous te donnons la gloire pour tout cela. Au nom de Jésus, amen.